Mes chers bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager une petite exhortation. C'est très important. Je voudrais lire un petit passage avant de commencer. Bien-aimés, je vais lire, ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, du verset 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. » Une seule est nécessaire. Une seule, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Marthe, je suis venu sur terre envoyé par mon Père pour votre salut. Tu es accaparé à beaucoup de choses. Tu t'occupes à beaucoup de services. Tu es à fond là-dedans. Mais Marie a choisi la meilleure part. Parce que je ne suis pas venu sur terre pour me promener. C'est pour votre salut. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne va au Père, à mon Père, autrement que par moi. Pendant que toi, tu es occupé là-bas, Marie, ta sœur, est là pour écouter la parole de vie, la parole qui peut sauver son âme. Et toi, tu es dans tes occupations. La Bible dit, dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 7, que le monde d'aujourd'hui et le ciel d'aujourd'hui seront détruits par le feu. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 7, que de la même façon que Dieu a détruit le monde d'avant, au temps de Noé, par l'eau, le monde d'aujourd'hui, il va le détruire par le feu. Allez lire dans 2 Pierre chapitre 3. Bien-aimés, Marie a choisi la bonne part pendant que Marthe est à fond dans ses occupations. Quelles sont tes occupations? Je vais lire un passage biblique dans Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 36. C'est notre bien-aimé Christ Jésus qui parle. Voici ce qu'il a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé avait construit l'arche parce que les personnes qui désiraient, qui devaient ou qui voulaient être sauvées, il était question que ces personnes entrent dans l'arche. La porte de l'arche était ouverte. Celui qui voulait sauver sa vie entrait seulement. Il n'y avait pas de péage, il n'y avait pas de droit d'entrée. Il n'y avait pas de droit d'entrée. C'était libre. Entrée libre, entrée libre. Et Noé était là en train de crier. Dieu va détruire le monde. Entrez là-dedans, entrez dans l'arche. Si tu veux sauver ta vie, entre. La porte est ouverte. Entrez. Il n'y a pas de péage, on ne paye pas. C'est gratuit. Mais les gens rigolaient. Les gens se moquaient. La porte était ouverte. Jusqu'à un moment où Dieu va dire, Noé, entre. Et ta famille. Et vous allez remarquer C'est pas Noé qui va verrouiller la porte. C'est Dieu qui va verrouiller la porte. Et quand l'eau va commencer à couler, les gens sont venus. Ah bon? Non, Noé disait la vérité. Oh Noé, ouvre, ouvre. L'eau commençait à monter. Il tapait à la porte. Ouvre, Noé, ouvre. C'est Dieu qui a verrouillé. Toi qui se moques de l'évangile aujourd'hui, tu vas voir ce qui t'arrivera. Tu vas connaître ce que les personnes, les habitants de Noé, du temps de Noé ont connu. Quand l'eau a commencé à monter, ils sont venus, là ils ont cru. Ah bon? Donc tout ce qu'ils nous disaient là, ce n'était pas du mensonge. C'est quoi cette pluie qui ne s'arrête pas? L'inondation est partout. Les arbres, les voitures, les maisons sont en train de s'enfoncer. Noé, ouvre! Noé, c'est moi! Je suis ton ami! Noé, ouvre! Je suis ta tante! Tu ne me connais plus! Noé, c'est moi ton père! Ouvre la porte! Noé, ouvre! Je suis ta tante! Oh, Noé, ouvre! Je suis la grand-mère! Ouvre, Noé! La porte a été verrouillée par Dieu. C'est ce qui va arriver. Jésus dit exactement comme au temps de Noé. Les gens s'occupaient. Comme Marthe, Jésus annonce la voie du salut. Marthe est là, en train de s'occuper d'autre chose. Pendant que Marie dit, moi je veux venir écouter la parole. C'est la parole de vie. Jésus dit, comme au temps de Noé. Les gens ont cru à Noé quand ils étaient déjà à fond dans l'eau, mais c'était trop tard. Quand le monde va voir, selon ce qui est dit dans Thessaloniciens, qu'au son de la trompette, nous irons dans les airs et que les morts en Christ ressusciteront en premier. Quand ils vont voir les tombeaux dans les cimetières, ça va exploser et que les bien-aimés sortent des tombeaux complètement transformés, ayant des corps célestes. C'est là qu'ils vont croire. Oh, donc, la Bible dit la vérité. Jésus a dit, Thomas, heureux, celui qui croiront sans avoir vu. Les habitants au temps de Noé ont cru. Alors qu'ils étaient déjà à fond dans le déluge. Mais c'est trop tard. Parce que la porte est déjà verrouillée. Toi aujourd'hui, tu es comme Marthe. Pendant que la parole de Jésus est prêchée, ton cœur est à autre chose. Toi, tu penses au terrain que tu dois acheter. Toi, tu penses à ton commerce. Tu penses au mariage comme au temps de Noé. Tu penses aux choses de la terre. Tu penses à ta promotion. Tu as le cœur que dans ces choses-là, comme Marthe. Comme les gens, les habitants du temps de Noé, ils étaient à fond dans leurs occupations. Pendant que la porte de l'arche était ouverte, je te fais savoir que l'arche d'aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus a été clair. Personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre chemin. Je suis, il faut que vous sachiez que vous les hommes, vous les habitants de la terre là, je suis le seul intermédiaire entre vous et Dieu. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y a que moi, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller à mon Père autrement. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre voie. Je suis le seul. C'est moi la résurrection et la vie. C'est moi la lumière du monde. C'est moi. Venez à moi. C'est moi. La Bible vous a parlé d'un Messie, d'un Sauveur qui devait venir. C'est moi, je le suis. Je suis ce Sauveur. Celui qui ne saisit pas ma main a choisi la perdition parce que Dieu n'enverra pas un autre Sauveur. Je suis le seul, je suis l'unique, le Fils unique de Dieu. Celui qui rate ma main ne verra personne d'autre. En tout cas, il faut que tu saches. Toi qui refuses la main de Jésus, tu prendras la main du diable, que tu le veuilles ou non. Jésus te tend la main aujourd'hui pour te sauver, mais ce n'est pas à vie. À un moment donné, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il va retirer sa main et il va fermer l'arche comme au temps de Noé. Mais tu auras quelqu'un d'autre qui viendra te tendre la main. Il s'appelle le diable. Et tu seras obligé de saisir sa main. Parce que à la grande tribulation, ce ne serait pas selon ce que tu veux, Satan va imposer sa dictature. Et pour pouvoir faire le commerce, faire des affaires, pour pouvoir voyager, il va falloir avoir la carte d'identité du diable. Tu auras la marque 666. Et là, tu l'auras. Il va te, Satan va te, t'imposer sa main. Tu vas saisir sa main, que tu le veuilles ou non. La main du diable, c'est la main du criminel. C'est la main de la haine. Dieu te tend la main d'amour. Vous vous rendez compte? Dieu se déplace. Il envoie son fils qui vient souffrir à notre place. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a fait quoi à Dieu? On a fait quoi à Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qui l'a aimé le premier? Qui lui a donné le premier? Alors qu'on était à fond dans nos péchés, alors qu'on faisait des abominations sur terre, et lui, il envoie son fils payer la facture, souffrir à la croix, pour que nous nous soyons gratuitement sauvés. Jésus-Christ a déjà tout accompli et on continue à jouer au dur. On vient bomber le torse, on vient faire le rigolo, on vient faire l'orgueil, l'intellectuel. On va faire des cours bibliques et puis on croit qu'on connaît Dieu. Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. L'apôtre Paul n'a jamais dit l'évangile que je vous prêche. Je l'ai étudié. Paul a dit, je l'ai reçu par révélation. On n'étudie pas Dieu parce qu'il y a des gens qui croient que je vais aller faire cours biblique. Plus, comme j'ai déjà fait cours biblique, je connais Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. L'apôtre Paul ne prêchait pas l'étude. Ce qu'il avait reçu, ce qu'on lui a enseigné, Paul prêchait la révélation. La Bible dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherchera de tout son cœur. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. C'est pourquoi il est important, il faut lire la Bible. Parce que plus tu lis la Bible, plus Dieu verra, ma fille là, mon fils là veut me connaître. Dieu va se révéler, il se laisse trouver. On ne connaît pas Dieu par des diplômes de théologie. Nicodème était bardé, il avait un doctorat. Il connaissait la théologie, mais il n'avait pas la révélation. C'est ça le problème. La théologie, les cours bibliques, c'est l'intellectuel, ce n'est pas la révélation. Est-ce que tu es déjà dans l'arche, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu fais comme Marthe? Ton cœur est occupé à autre chose. Pendant que l'heure avance, nous allons être surpris. Parce qu'au temps de Noé, quand Noé disait, venez, il y aura un déluge, personne ne croyait à ce qu'il disait. Et c'est ce que les gens étaient occupés à autre chose. Oh, il me faut un terrain. Ouais, là j'ai deux voitures, il me faut une troisième. Bon, en tout cas, dans 2 mois, mon fils va se marier. Moi, je suis en train de faire mes affaires. Je suis dans le business. Je fais mon commerce. Ils avaient le cœur ailleurs. Pendant que l'heure de Dieu ne fait qu'avancer. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Quand Dieu dit que dans 10 heures, je vais faire ça. Que tu sois prêt, prêt ou pas, ce n'est pas son problème. Il a dit dans 10 heures. Il a dit à Noé, demande aux gens d'entrer dans l'arche parce que je vais détruire. Il avait un temps fixé, le temps fixé par Dieu. Quand ce temps arrive, il va verrouiller la porte. Que tu es entré ou pas, combien de personnes sont entrées dans l'arche? Même pas 100 personnes. Je parle des hommes. Est-ce que Dieu a dit, bon, comme beaucoup sont encore dehors, non, je vais rallonger le temps. Comme il y a encore des millions de personnes dehors, il y a très peu dans l'arche. Non, je ne vais pas fermer. Quand le temps de Dieu arrive, que l'arche soit vide ou remplie, c'est son temps, il le respecte. Il respecte son temps. Tu joues dur. On te prêche l'évangile. Pour toi, ce n'est pas ta priorité, tu t'en fous, tu te moques même de ceux qui te prêchent l'évangile, comme les gens se moquaient de Noé. Mais tu sais, tu joues avec le feu. C'est toi qui vas aller cramer dans les temps de feu. Les gens qui sont morts là au temps de Noé, Dieu n'a pas dit, oh, ils sont nombreux dehors. Non, Noé, continue à appeler. Non, quand le temps est arrivé, il a verrouillé la porte. Je te dis, toi qui se moques de l'évangile aujourd'hui, toi qui raisonnes parce que tu crois que ta philosophie c'est Dieu, que Dieu est dans ta petite tête là. Je te dis que tu joues avec ton âme. Rira bien, qui rira le dernier. Tu te moques des enfants de Dieu aujourd'hui, tu ne crois pas, tu dis Dieu n'existe pas, mais on verra. On verra qui va rire le dernier. Parce que quand Dieu a fermé la porte de l'arche, quand l'eau a commencé à inonder le monde, c'est à ce moment que les gens ont cru. Mais quand ils sont venus cogner là, ouvre Noé, ouvre, mais c'était trop tard. Noé n'avait pas le pouvoir d'ouvrir la porte. C'est Dieu qui avait verrouillé. Et aujourd'hui, nous sommes entrés, nous sommes devant l'arche. Entrée libre, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Venez gratuitement, venez recevoir l'eau de vie gratuitement. C'est pas payant. Venez, comme au temps de Noé. Venez, venez. Mais les gens sont occupés au chaud de la terre. Ils sont occupés à leur projet. L'évangile, ce n'est pas leur truc. Tu ne connais même pas le jour de ta mort. Peut-être il te reste 2 jours. Peut-être tu mourras demain par accident ou par une balle perdue. Ou bien tu tomberas sur quelqu'un de taré qui va te massacrer. Tu ne connais pas ton avenir. Si la mort te frappe aujourd'hui, est-ce que tu es déjà dans l'arche? Est-ce que tu es déjà assuré? Est-ce que tu es déjà dans l'arche? Bien-aimé, tu ne connais pas ton jour. Ne remets pas à demain ton salut. Ne dis pas, je ferai ça dans un mois. Bon, pour le moment, je n'ai pas le temps. Jésus, là, l'année prochaine, c'est là où je veux m'occuper de ça. Tu ne sais pas si tu arriveras l'année prochaine. J'ai été touché tout dernièrement. Un monsieur qui fêtait la bonne année avec nous. Bonne année! Bonne année! Je le vois encore, bouteille de bière à la main. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Il est mort là par accident au mois d'avril dernier. Accident de voiture. Ils étaient 4 dans la voiture. Les 4 sont morts. Et pourtant, je l'ai vu l'année là. Le premier jour de l'année. Bonne année! Je vois encore, il avait un plat ici et sa bière. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Mais il est mort au mois d'avril. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, l'année ne sera pas bonne parce que les gens t'ont dit bonne année, bonne année. C'est Dieu seul qui peut faire en sorte que ton année soit nickel. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège. Il n'y a que lui pour que tu puisses traverser une bonne année. C'est par Jésus-Christ. Il a bien dit, le premier, on était là dans la salle, bonne année, tout le monde mangeait. Il faisait bonne année, mais avril là, il est mort en avril. Ils étaient 4 dans la voiture, accident de voiture. Et pourtant, il a dit, bonne année, bonne année. Il croyait que l'année 2019 sera une bonne année pour lui. Il a cru. Et pourtant, en avril, là, il est mort. Qu'est-ce qui te dit, toi, que dans 2 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui te dit que dans 2 ans, tu ne partiras pas? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ton heure aussi arrive. C'est le moment de rentrer dans l'arche. Si tu rentres dans l'arche et que maintenant tu construis ta maison, tu fais machin, il n'y a pas de mal. Mais il faut que Dieu occupe la première place dans ton cœur. Dieu ne nous dit pas de ne pas aller à l'école. Dieu n'a jamais dit de ne pas chercher à avoir un diplôme. Mais il ne faut pas que le diable mette ces choses-là en premier dans ton cœur. Ne fais pas comme Marthe. Parce que Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Et Marthe a dit, Jésus est dans la maison, il faut préparer, il faut qu'il mange, il faut nanana, nanana. Bon, quand je vais terminer, je viendrai maintenant écouter ce qu'il dit. Mais Jésus ne va pas se répéter. Parce que quand tu vas venir s'asseoir là, les personnes qui ont suivi, qui ont entendu ce qu'il a dit depuis la première minute, quand il est rentré dans votre maison, ils ont reçu la parole. Toi, tu vas venir écouter la fin. Non, Jésus a dit, Marthe, tu t'agites, tu as plein, tu t'occupes à beaucoup de choses. Marie là, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le Messie, le seul sauveur. Il est mieux pour toi de laisser tout ce que tu fais là. Tu viens d'abord écouter ma parole. Parce que je suis la vie. Donc, bien aimé, c'est le moment d'entrer dans l'arche. Nous sommes en train de voir des choses, comment le monde est en train d'être transformé. Je vais lire dans Matthieu 24, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 12, et parce que l'iniquité ce sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est celui qui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas les lâches, pas les gens qui abandonnent en cours de route. C'est des personnes déterminées, qu'il pleut ou qu'il neige, ils foncent. Quelles que soient les épreuves, ils ne lâchent pas. Parce que les épreuves, pourquoi Satan les envoie? C'est pour que tu abandonnes, pour que tu jettes l'éponge. Le diable regarde les croyants. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il est sur terre pour faire la guerre, pour livrer la guerre aux personnes qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Le diable n'attaque pas bêtement. Il regarde les enfants de Dieu, il connaît les élus. Et il te livre la guerre. Le chrétien qui n'a pas de problème, jamais d'attaque, jamais d'épreuve, tout baigne. Je me pose des questions. Parce que quand le diable sait que tu es l'élu de Dieu, il fera tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Il va te livrer la guerre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il livre la guerre aux personnes qui ont le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Il livre la guerre, c'est écrit. Mais si toi tu n'es pas attaqué, est-ce que tu es vraiment un vrai enfant de Dieu? Parce que Jésus a dit, Satan ne fait pas la guerre à Satan. Satan ne combat pas les sorciers qui sont dans les églises. Satan ne combat pas les faux enfants de Dieu qui sont livrés, qui est dans l'église. Le diable ne le combat pas. Le diable ne combat pas le faux prophète, le faux homme de Dieu. Le diable ne lui fait pas la guerre, c'est son ami. Le faux homme de Dieu, c'est son ami. Comme le vrai serviteur de Dieu est l'ami de Jésus. Le sorcier qui est dans l'église, c'est son ami, c'est l'ami du diable. Satan ne lui fait pas la guerre. Mais les vrais enfants de Dieu, le diable les connaît. Il leur livre la guerre. C'est pourquoi il faut supporter. Moi qui vous parle bien, mais si je vous parle des attaques que j'ai eues. Mais il faut être là. Jésus dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pas les personnes qui abandonnent en cours de route. Pas des gens qui font, après 5 ans en Christ, on abandonne. Après 10 ans en Christ, on a abandonné. Tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu saches que Jésus est la vie. Satan est la mort. Donc quand tu abandonnes Jésus, tu vas tout seul du camp de la mort. Et Satan dit, ouais, tu as bien fait. Félicitations. Parce que c'est ce qu'il attendait que tu lâches prise. C'est pourquoi tu as attaqué. Tu as attaqué parce que le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Tu as attaqué parce que Satan veut que tu lâches prise et que tu aies un enfer avec lui. Satan est jaloux de ton salut. C'est la raison pour laquelle il faut que tu attaches de l'importance à ton salut. Il faut que tu comprennes que les choses de la terre, tu vas les abandonner un jour. Ne vends pas ton salut pour les biens de la terre. Ne vends pas ton salut au diable pour les biens de la terre. Ne perds pas ton salut pour les choses de la terre. Tu seras enterré demain. La maison va rester la maison que tu construis là. Tu seras enterré demain. Ta femme que tu contrôles là, tu es où, chérie? Tu es un autre restera avec. Ma soeur, tu peux mourir demain. Ton mari là, tu vas rentrer à quelle heure? Tu ne peux même plus prier parce qu'il n'est pas encore rentré. Ton cœur n'est que là-bas. Demain, tu peux partir et une autre femme sera dans ses bras. Vanité des vanités. Parfois tu es en train de travailler, tu ne fais qu'amasser l'argent dans ton compte. La mort te frappe, c'est d'autres personnes qui vont jouir de cet argent. Vanité des vanités. Accrochez-vous à la main de Jésus. Dieu nous a aimés. Il nous donne gratuitement le salut. C'est Jésus qui a tout accompli. Il est descendu même au séjour des morts pour briser les chaînes et pour arracher les clés de la main du diable, parce que c'est Satan qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus arrache les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus peut libérer n'importe quel prisonnier. Il faut que tu saches que pour que quelqu'un soit en prison, on l'a arrêté et on l'a enfermé. Quelqu'un a fait ça. Il faut que tu comprennes bien que si les hommes sont, certains sont dans la prison de la cigarette, dans la prison du sexe, dans la prison des drogues, dans la prison du crime, dans la prison du mensonge, dans la prison de la pédophilie et le reste, c'est Satan. Les démons sont organisés, les démons de sexe, ils vont lier certains hommes sur terre que dans le sexe, des accros. D'autres démons vont lier spécialités. Leur spécialité, c'est la cigarette. Ils vont lier dans la cigarette, dans la prison de la cigarette, des millions de personnes qui fument. D'autres sont enfermés dans la prison du crime. Cette prison est gérée par des démons de crime, des démons d'adultère. Chacun gère une prison. Mais il fallait que Jésus arrache les clés. pour venir ouvrir. Jésus dit, sortez, sortez. Jésus libère, il dit, sortez. C'est lui le libérateur. C'est lui qui te libère de cette prison de la cigarette. C'est lui qui te libère de la prison de l'adultère. C'est lui qui te libère de la prison de l'alcool. C'est lui qui te libère de la prison du crime. Il a les clés. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ailles à lui, puisqu'il a dit, venez à moi. Venez. Jésus n'a jamais dit, libère-toi d'abord, ensuite tu viens. Il dit, viens, c'est moi le libérateur. C'est moi la vérité. C'est moi qui te donne la vie. Je peux te libérer, c'est moi qui libère. Je suis le Messie. La Bible vous a parlé d'un Messie qui devait venir. Je le suis, c'est moi Jésus. C'est moi le Messie. Venez ici, si vous voulez la délivrance. Venez à moi, si vous voulez la guérison. Venez à moi, si vous voulez la vie. Venez à moi, si vous voulez la lumière. Venez à moi, si vous voulez la paix, la joie. Venez à moi. C'est moi qui brise vos liens. Et vous avez des gens qui restent dans leur lien d'alcool, dans leur lien de sexe. Ils refusent la délivrance. Ils refusent la liberté. Ils préfèrent rester là-bas. Et les démons applaudissent. Ouais! C'est pas bon de vivre. Je me souviens un jour, j'étais chez un beau-frère. On était à table. Il était assis devant moi. Ma soeur était là. Ma soeur de même père, même mère. Et on était en train de prêcher l'évangile. Et ce beau-frère disait, non, vos histoires là, c'est des sectes. Hein? Moi, je suis catholique. Yan, yan, yan, yan, yan. Devant ma soeur, moi, je ne partirai jamais dans vos affaires là. Moi et ma soeur, on était du côté de Jésus. Et lui défendait sa religion catholique. Et pourtant, il ne pratiquait même pas, il n'allait jamais à l'église. Mais vous savez, il y a des gens, ils ont été baptisés bébés, ils ne fréquentent même pas les lieux de culte, ils vont te dire, moi je suis catholique. Quand il arrive 1h du matin, ma grande sœur a dit, bon, petit frère, j'ai déjà sommeil, je m'en vais dormir. Ma grande sœur est partie, je suis resté à deux, on est resté à deux, moi et mon beau-frère. Et quand ma sœur est rentrée dans la chambre, le beau-frère me dit, frère, mon beau-frère, vous abusez. Parce que votre évangile là, on ne doit plus aller à côté, on ne peut pas boire, on ne peut pas aller dans au cinéma, on ne peut pas aller en boîte de nuit. Vous abusez, beau frère. Tu es un homme comme moi. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'un homme finisse toute sa vie qu'avec une seule femme, beau frère? Toi aussi, on est des hommes. Mais tout à l'heure devant ma soeur, il ne parlait pas comme ça. Il disait, moi je suis catholique, gna gna gna gna gna. Parce qu'ils aiment le péché. Il m'a dit, quand même, beau frère, tu es un homme. Toute une vie avec une seule femme, quand même. On ne peut plus aller en boîte de nuit. On ne peut plus boire. On ne peut pas fumer, quand même. Vous abusez. C'est parce qu'ils aiment le péché qu'ils ne veulent pas venir à Jésus. Ils ont fait leur vie, ils aiment le péché. Ah non, moi je ne peux pas rester sans fumer. Non, non, non, non, non. Si Jésus, c'est pour que je n'aille plus voir les femmes à côté, je préfère rester dans mon coin. Si votre Jésus là, je ne peux plus aller boire de l'alcool dans les bars. Ah non, si Jésus, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Non, moi je préfère rester là où je suis. Je préfère mon péché. Je préfère mon péché. Noé, moi je ne viens pas dans ton arche là. Parce que si je viens dans l'arche, j'ai laissé derrière moi mon bistrot. J'ai laissé le vin rouge là-bas. Je ne l'aurai pas dans l'arche. Hein? Mes copines du quartier là, je ne les aurai pas dans l'arche. Hein? Mon commerce là, je ne l'aurai pas dans l'arche. Hein? La femme avec qui je couche là, je fais adultère. Parce que si je rentre dans ton arche là, lui va rester, elle va rester ici. Je ne l'aurai pas. Non, non, non, non, non. Parce que entrer dans l'arche veut dire je laisse ma vie d'ici. Je laisse ma vie de Sodome. Non, non, non, non, non, je préfère rester ici. Parce que si je viens là-bas, mes copines sont restées dehors. Si je viens là-bas, je ne pourrais pas venir là-bas avec ma cigarette. La cigarette est restée. Si je viens là-bas, je ne pourrais plus avoir mon vin rouge. Mes whisky. Non, Noé, non. Non, non, non. Moi, je ne viens pas là-bas, Noé. Je ne viens pas. Parce que là-bas, je n'aurai plus ma vie. Je vais perdre ma vie d'aujourd'hui. Je vais vivre comment dans l'âge. Ils ont aimé le péché. C'est pourquoi ils refusaient Jésus. C'est pourquoi ils refusent Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jésus est la parole. Toute personne qui refuse sa parole refuse Jésus. Il ne veut pas entrer dans l'âge. Mais ce que cette personne oublie, c'est que c'est Jésus l'âge d'aujourd'hui. Celui qui le repousse a choisi lui-même le diable. Et quand tu repousses Jésus, Satan applaudit. C'est pourquoi le diable, c'est regrettable. Dieu, franchement, a tout fait. C'est malheureux de voir que Satan ira en enfer avec des millions d'hommes. C'est triste. Dieu a tout fait. Mais je peux vous dire que vous allez cramer là-bas comme les personnes au temps de Noé. Ils sont venus cogner. Noé, ouvre! Oh Noé, je suis ton meilleur ami! Ouvre la porte! Noé, je suis ton ange! Ouvre-moi! Oh Noé, je suis ta maman! Je suis ton directeur! Je suis ton professeur du lycée! Ouvre Noé! C'est trop tard. Dieu a verrouillé. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, bien-aimé. Il faut entrer dans l'arche. Que ton cœur ne s'appuie pas. Ne soit pas rempli des choses de cette terre. Tu vas les abandonner. Moi qui te parle. Peut-être il me reste 2 jours de vie. Je ne connais pas. Peut-être c'est la dernière fois que vous me voyez. C'est Dieu qui connaît mes jours. Peut-être que Dieu va bientôt me prendre. Mais je vous annonce une chose. Si vous apprenez que Dieu m'a pris, dansez, bien-aimé, dansez. Louez le Seigneur. C'est le désir de mon cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, est ton cœur. Mon trésor n'est pas sur terre. Mon trésor est là-bas. Mon trésor n'est pas ici. Mon trésor est dans la maison de mon Père, là-haut dans les cieux. J'ai envie d'aller là-bas. Je ne suis pas de ceux qui disent, je veux encore que Dieu me donne 100 ans de vie. Non, Seigneur, moi je suis prêt au départ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Gloire à Dieu.